comme on voit sur la branche. Comme on voit sur la branche, au mois de mai, la rose, en sa belle jeunesse, en sa première fleur, rendre le ciel jaloux de sa vive couleur, quand l'aube de ses pleurs, au point du jour, la rose, la grâce dans sa feuille et l'amour se reposent, embaumant les jardins et les arbres d'odeur. Mais, battue ou de pluie ou d'excessive ardeur, languissante, elle meurt, feuille à feuille déclose. Ainsi, en ta première et jeune nouveauté, quand la terre et le ciel honoraient ta beauté, la parque t'a tué, et cendre tu reposes. Pour obsèque, reçois mes larmes et mes pleurs, ce vase plein de lait, ce panier plein de fleurs, afin que vif et mort, ton corps ne soit que rose.